senti l'amour pour vous tellement fort. Moi y'a vivi à côté encore et encore. Moi v'lais sacrifier moi pour vous. Et dans l'éternel amour nous, qu'on flamme chandelle qui a brûlé et qu'évent pas qu'arriver souffler. Je t'aime tellement fort. Je t'aime encore et encore. Mon poussin, tu es ma vie, ma seule et unique vie. Je t'aime tellement fort. Je t'aime encore et encore. Mon poussin, tu es ma vie, ma seule et unique vie. J'ai pensé à vous. En cas senti que moi, car moi du tout, pas sous, pas qu'à côté moi. Savais que moi, besoin. Si moi pas fait ça vous, ou c'est l'autre monde sans moi qu'à vivre, si t'es qu'à moi besoin. Si tout l'est ou qu'à loin, chéri. Moi c'est